Chapitre 39. Les missionnaires chrétiens. Depuis bien des années, il y a en Perse une population de chrétiens au nombre de 30 000 environ. On les appelle les Nestoriens. 5 ou 6 000 habitent le district de Salmas, non loin de la frontière turque, et peuplent les plaines d'Ormia, près du lac du même nom, dont l'eau salée ressemble à celle de la mer Morte en Judée. Les Nestoriens sont pour la plupart des cultivateurs. Ils payent, comme les Mahométans, de lourds impôts au gouverneur de la province, duquel ils dépendent complètement, comme tous les habitants des districts éloignés de la capitale. Il y a un demi-siècle à peu près, des missionnaires protestants furent envoyés des États-Unis et vinrent se fixer à Ormia afin d'améliorer la condition de ces chrétiens. À cette époque, il y avait de si grands dangers et de telles difficultés pour arriver en Perse que plusieurs missionnaires et leurs femmes moururent en route. Un d'eux, nommé Perkins, séjourna parmi les Nestoriens de 1833 à 1844. Vers le même temps, une mission catholique arriva. Aussitôt, ces deux antagonistes se cherchèrent querelle, tout comme les chrétiens à Jérusalem se disputent la suprématie et l'influence. Il n'est pas rare que les Mahométans en Perse soient, comme ceux de Turquie, appelés à apaiser les luttes entre les chrétiens. Afin de faire chasser les protestants, les catholiques suggérèrent aux persans que cela faisait trop de prosélytes. Une enquête fut ouverte, mais on constata que les accusateurs étaient plus coupables que les accusés. Plusieurs fois déjà, ses adversaires en religion en étaient venus à des voies de fait fort regrettables, donnant ainsi un mauvais exemple à ceux auxquels ils prêchaient la concorde et l'amour du prochain. Comme il est permis aux protestants et aux catholiques de convertir les Arméniens, c'est parmi ceux-ci que les deux camps ennemis cherchent à faire des adeptes. Ormia est un grand centre d'action. À Téhéran et à Tabriz, il existe plusieurs succursales appartenant aux deux congrégations ennemies. S'il faut croire les protestants, 850 Arméniens auraient été convertis par eux dans ces derniers temps. À Ormia, une école interne est établie pour les deux sexes. Elle est fréquentée par 30 garçons et 54 filles. Le prix de la pension est de 16 tomans par an. Dans les écoles externes, on paye pour l'année un tomant. La mission protestante compte 1224 élèves à Ormia et dans les villages environnants. À Tabriz, il n'y a pas d'école. Tout le travail des missionnaires se borne aux prédications. Ils prêchent en arménien, rarement en persan, quoiqu'ils sachent cette langue. Beaucoup d'enfants arméniens parlent l'anglais. En général, les catholiques s'efforcent, beaucoup plus que les protestants, à faire des prosélytes. Ces derniers s'occupent autant à instruire les chrétiens qu'à les convertir. Il y a quelques années, la mission fut persécutée. Voici à quel sujet. L'autorité ayant été avertie que des Mahométans assistaient au service divin et venaient entendre ses prédications, un espion persan y fut envoyé pour s'assurer de la vérité. Ayant aperçu un musulman dans la chapelle, il le fit arrêter et lui fit donner la bastonnade. Mais celui-ci n'était pas converti. Un autre, au contraire, qui l'était, obtint la grâce du mollah. Cependant, à la suite de ce fait, la chapelle protestante de Téhéran, bâtie en 1873, dut rester fermée pendant une année à la grande joie de sa rivale, la catholique, qui tâcha alors d'appeler à elle arméniens et musulmans. Le chef du clergé de Téhéran s'étant plaint au gouverneur, Naïb Saltané, fils du Shah, que des enfants persans fréquentaient l'école chrétienne, des Ferach furent envoyés avec leurs terribles baguettes pour les punir. Note: Naïb Saltané, à l'époque du premier voyage de Nasser Eddin en Europe. Fin de note. L'effroi fut au comble, mais les gardes n'y virent que de jeunes Arméniens. les protestants prétendirent que c'était là encore un tour que les catholiques leur avaient joué. Comme on le voit, les missions religieuses ne sont donc pas entre elles meilleures amies que les légations diplomatiques qui sont loin de l'être. Toutefois, leur établissement est d'un grand secours pour les Nestoriens à Ormia à cause de l'instruction qu'ils reçoivent. Comme tous parlent l'anglais, un grand nombre émigre aux Indes pour aller chercher fortune. Le clergé arménien ne voit pas d'un bon œil la propagande faite parmi ses coreligionnaires, soit par les protestants, soit par les catholiques. Il en veut surtout au premier dont il craint l'influence. Aussi, l'évêque arménien d'Ispahan défendit-il sévèrement à ceux de sa communauté d'envoyer leurs enfants aux écoles étrangères. Mais comme tous les Arméniens sont loin d'être riches et ont, en général, un faible pour l'argent, et que d'autre part, dit-on, les missionnaires payent les parents qui leur confient leurs enfants, ces écoles continuent à être fréquentées. L'œuvre de la propagande protestante dans la Perse orientale dépend de la mission à Téhéran. À Hamadan, il y a une école et une église. Note. Hamadan, l'ancienne Échatan. Ce pays produit un vin très recherché. Fin de note. Cette ville à 48 Farsakh au sud-ouest de Téhéran avait autrefois 30 000 habitants. Après la dernière famine qui décima toutes les provinces de la Perse, elle ne comptait plus que 10 000 âmes. À cette époque, les missionnaires américains et français firent beaucoup de bien. Ils donnèrent des secours en argent, des vivres, des vêtements, tant aux chrétiens qu'aux musulmans. Dans les montagnes de Kavakan, à mi-chemin entre Téhéran et Hamadan, la mission protestante possède un établissement. À Recht, il y a aussi des Américains. Ils payent également les prosélytes qu'ils font pour aller dans l'intérieur de la Perse répandre des Bibles traduites en toutes les langues, même en hébreu. Ces colporteurs les cachent sous des marchandises qu'ils portent d'un endroit à l'autre. C'est ordinairement dans les bourgs situés entre Téhéran et Hamadan qu'ils font le plus de propagande. Là, il ne leur arrive habituellement rien de fâcheux. Mais un d'eux qui osa aller à Yezd, où la population est très fanatique, dut se cacher et nuitamment prendre la fuite de crainte d'être bel et bien coupé en morceaux. Il n'est pas rare que les missionnaires ou les Arméniens colportant les Bibles dans les villages voisins des montagnes du Kurdistan soient arrêtés par les Kurdes. Note. Tribu belliqueuse qui tantôt reconnaît l'autorité du Shah, tantôt celle du sultan. Fin de note. Mais ils se contentent d'un fusil, de toute autre arme ou d'un peu d'argent et laissent passer les chrétiens sans leur faire de mal, ce qui n'arrive pas toujours lorsqu'ils attaquent les persans dont ils sont les ennemis acharnés. En 1878, la mission protestante était composée d'une vingtaine de personnes des deux sexes, y compris un médecin. À Téhéran, il y avait trois hommes et quatre dames habitant une maison anciennement occupée par la légation ottomane. À Tabriz résidaient deux hommes et cinq femmes. Ce personnel recevait ses appointements de la Société des missionnaires de New York. Le chef de la mission était un pasteur de Chicago qui s'était d'abord établi à Ormia dans le but d'étendre le protestantisme parmi les musulmans. Mais il n'avait pas réussi. La chapelle protestante est fréquentée par une vingtaine d'Arméniens convertis. Ils donnent annuellement, pour son entretien, 70 tomans, sans compter ce que les quêtes rapportent pendant les services religieux célébrés les dimanches et les vendredis. Note. Tomans, 700 francs. Fin de note. 60 élèves, garçons et filles, suivent le cours de l'école. Tous les jours, on y chante des hymnes, traduites en arménien ou en persan. Les enfants des convertis sont baptisés d'après le rite protestant. Mais les Arméniens, malgré leur conversion au protestantisme, conservent les mœurs et les habitudes de leur nationalité. Celui qui recherche une jeune fille en mariage donne de l'argent à la mère pour son trousseau. Il arrive parfois que, moyennant une certaine somme, elle la livre pendant un temps limité à un Européen ou à un Arménien et la reprend ensuite chez elle. Cependant, ceci n'est pas la règle générale. Parfois, les Arméniennes sont mariées à 12 ans. Elles vivent alors dans une réclusion complète et sous l'autorité de la belle-mère. Pendant les premiers mois de son mariage, une jeune mariée ne peut prendre part à la conversation, quoiqu'elle soit présente aux visites que reçoivent les femmes de sa famille. Aucun homme étranger n'est admis chez elle. Les missionnaires français à Téhéran ont une chapelle et une école dirigées par les religieuses de Saint-Vincent de Paul, qui rendent de grands services. Outre l'instruction qu'elles donnent aux enfants, elles soignent les malades qui viennent les consulter et leur distribuent gratuitement des remèdes. Dans ce pays où la médecine est si étrangement pratiquée, les sœurs passent pour d'habiles médecins. Elles sont parfois chirurgiens, dentistes, au besoin même sages-femmes. Leur nombre étant très limité, la besogne ne manque pas à ces braves religieuses, infatigables dans leur zèle, à faire le bien. Il est vraiment regrettable qu'il existe une jalousie de métier entre ces missionnaires dont la tâche est de donner l'exemple de la paix, de la concorde et de l'harmonie et qui démentent leurs paroles par leurs actions. Fin du 39e chapitre.